Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la sixième case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Cette nuit-là, les garçons eurent bien du mal à dormir. Mille questions allaient et venaient en un incessant balai de pensées incontrôlables. Qui donc pouvait bien chercher à entrer en contact avec eux? Quelle drôle d'aventure était-il sur le point de vivre? Serait-il à la hauteur? Ils se souvinrent tous les deux, et sans se le dire, tous les doux moments qu'ils avaient passés avec leur papy à écouter ces folles histoires de détectives. Ils ne leur racontaient pas tout, car d'après ce qu'avaient compris les garçons, certaines affaires devaient relever du secret d'État, tant il les entourait de mystères et de phrases du type « J'étais à un certain endroit, à travailler pour une certaine personne, c'était à un certain moment. » Mais peu importait à Gus et Léon, ils respectaient cette discrétion. Eux, de toute façon, ce qui les intéressait, c'était les détails croustillants. Les récits de filatures, les descriptions des déguisements que devait porter leur papy pour mener ses enquêtes, ou encore son génie en matière d'interrogatoire. Il avait une manière si fine et si discrète d'interroger les gens qui faisait qu'il obtenait toujours leur confiance et avec elle leurs aveux immanquablement. Philibert Dupré, leur papy adoré, avait toujours été un véritable exemple pour les deux frères et ils ne pouvaient s'empêcher d'avoir une pointe de fierté en réalisant qu'à leur tour, ils étaient sollicités pour mener à bien une enquête. Ils eurent tant de mal à trouver le sommeil que lorsqu'ils s'endormirent enfin, ce fut d'un sommeil de plomb et ils n'entendirent pas les petits pas dans leur chambre. Chef, vous êtes sûr de votre coup? Vous avez une meilleure idée peut-être? Non mais enfin, regardez, celui-là il est carrément en train de baver dans son sommeil. Je répète ma question. Avez-vous une meilleure idée? Non. Mais enfin, vous êtes vraiment certain que ce sont ses petits-fils? Regardez-les. Ils n'ont quand même pas, disons, la même stature, le même charisme, c'est évident. Auront-ils le même talent? Rien n'est moins sûr. Et que croyez-vous? Si le Père Noël n'avait pas laissé sa chance à Philibert à ses débuts, jamais il n'aurait pu faire ses preuves ni même devenir celui qu'il est devenu. Et puis, l'indicomètre était formel. Et si vous voulez tout savoir, le Père Noël lui-même était ravi d'apprendre cette nouvelle et a laissé sous-entendre que si l'indicomètre avait suggéré d'autres personnes, il aurait sans doute fait jouer son autorité pour tenter d'en influencer la réponse dans ce sens. J'ignorais tout cela, chef. Je sais. Maintenant, si vous le voulez bien, trêve de discussion. Il faut les emmener avec nous. Enfin, encore faudrait-il parvenir à les réveiller. Chef, à ce propos, regardez. Pris dans leur discussion, les deux membres du groupe d'intervention des Génies du Nord n'avaient pas remarqué qu'ils étaient observés et écoutés depuis un petit moment maintenant. Non ! Vous êtes des lutins du pôle Nord ! Et le Père Noël lui-même veut notre aide ! Waouh ! Trop la classe ! Tandis que les deux frères s'adonnèrent à leur danse de la joie, le lutin en chef les interrompit sèchement. Léon, Auguste, est-ce que vous réalisez que si le Père Noël a besoin d'aide, c'est qu'il y a un problème et que l'heure est grave? Cela fait maintenant presque une semaine que nous tentons d'entrer en contact avec vous, et ça n'a pas été une mince affaire. Permettez-moi de vous le dire. Oui, enfin, il faut voir les indices que vous nous avez laissés aussi. Ok, pour la casquette de papy, nous avons compris le rapport. Mais alors la poule? Pourquoi une poule? Une poule? Mais il n'a jamais été question d'une poule. Oh non, sergent. Sergent, ne me dites pas que... Ah! Ça y est, ça me revient. Une loupe! Une loupe, chef! C'était ça qu'il fallait mettre, pas une poule! Je ne vous félicite pas, sergent. Messieurs, quant à vous, je salue du coup l'exploit que vous avez accompli en déchiffrant, malgré ces indices pour le moins tordus, le message que nous vous avons envoyé. À présent, il nous faut partir, sur le champ. Nous avons perdu suffisamment de temps. Partir? Comme ça? Mais vous n'y pensez pas, il faut que nous prévenions nos parents. Ah, les parents! J'avais oublié ce problème. Il est hors de question qu'il soit au courant de quoi que ce soit. D'un autre côté, il est évident que vous ne pouvez pas tout simplement partir sans rien dire, en effet. Changement de plan. Notre mission commence ici et maintenant, et nous allons l'intituler « Mission contrôle parental ». Mes amis, laissons là notre petite troupe d'élite élaborer son plan d'attaque. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour découvrir si nos apprentis détectives vont parvenir à suivre la troupe de lutins sans éveiller les soupçons de leurs parents. Et surtout, n'oubliez pas d'aller observer attentivement l'illustration de la case de l'enquête de l'avant du jour. Vous la trouverez sur notre site internet, l'atelier de Marcel. J'y glisse chaque jour un petit indice. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.